fermée. Sous le brûlant d'été, les mains sur le volant. Les rues, gisement des moteurs, qui se foutent de ma rancœur, me bousillent les tympans. Tiendront plus longtemps debout devant la porte, mon cœur qui attend son sang, son battement ardent, mon souffle qui s'emporte, serpente entre mes dents. Sombre et pathétique, un adieu distingué. Je suis sous l'averse d'été, en rêvant que tu me cours après.